Dernier bloc pour l'émission d'aujourd'hui, le bloc de l'Ouest canadien. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba. CFRG Gravelbo au Saskatchewan. Radio Cité 97.9 Alberta, Edmonton, Alberta. CLS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. On va y aller, si vous voulez bien, pour débuter le bloc de l'Ouest avec deux jeunes auteurs, compositrices, interprètes que j'ai découvert récemment. Il y a Amy de la Saskatchewan qui va nous offrir la Petite Douleur. Très intéressant comme pièce, j'adore énormément. J'ai réussi à découvrir comme ça, par hasard, une artiste du Yukon et c'est Brigitte Desjardins. Ils ont volé mon traîneau, c'est ce qu'on va entendre comme pièce. Vous allez voir un peu différent. Il y en a une qui est plus planante, l'autre qui est plus folklorique, mais c'est très intéressant. Donc, je vais vous faire entendre ces deux pièces-là dans quelques instants. Bien sûr, comme à l'habitude, depuis le 25e anniversaire de Canrock, on débute avec une chanson souvenir et tirée de son album Carpe Diem. La Cajun Queen, comme qu'on l'appelle, Crystal Plamondon, elle va nous offrir une chanson qu'elle a composée. Et c'est Raison d'aimer. Et vous allez voir, c'est très intéressant. La voici, Crystal Plamondon. L'amour t'aime. Regarde, mon sourire n'est-il pas évident? Ne vois-tu pas mes dents? Elles rejoignent presque mes oreilles. Elles rayonnent comme le soleil. J'ai tellement mal aux joues. Comme un petit oiseau qui chante. Ils ont volé mon prénom cher. Brigitte Desjardins. Ils ont volé mon traîneau et puis j'espère avoir d'autres pièces francophones de cet artiste-là, du Yukon, au Yukon comme tel. Et c'est une artiste francophone que j'ai découvert grâce à Radio-Canada dans Saskatchewan, qui avait un spécial comme ça qui présentait des artistes de l'Ouest canadien. Et c'était une belle découverte. Parlant de belles découvertes, si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK, vous avez justement un lien pour découvrir quatre artistes francescois, dont M. Étienne Fletcher, qui nous a sorti là, déjà presque un an, si je ne me trompe pas, côté A, un petit EP avec quelques chansons. Je pense qu'il y en a cinq sur cet album-là. Et on va vous faire entendre Colibri. Étienne Fletcher qui faisait partie de Joseph Indigo il y a quelques années de ça. Et c'est un gars très sympathique que j'ai croisé lors du dernier gala des Prix Trior. Et c'est vraiment intéressant. Donc je vous invite à aller voir ce lien-là. On parle justement de Amy qu'on vient d'entendre. On parle avec Clifford Bro. On parle avec Marie-Véronique Bourque. Donc très intéressant. Allez voir ça. Quatre artistes francescois, quatre façons de vivre la crise de la COVID-19. Vraiment un beau petit reportage. Allez voir ça, c'est magnifique. Je vous parlais d'Étienne Fletcher. On va écouter une pièce, comme je vous disais, Colibri, très intéressant. Par la suite, on va entendre un autre artiste de la Saskatchewan, M. Mario Lepage, connu sous le nom de Pontex, c'est son groupe, et très intéressant comme pièce. C'est long, mais c'est bon, c'est magnifique. On va entendre la pièce Petite Fleur, vraiment magnifique. Mais on commence ça avec M. Étienne Fletcher, auteur, compositeur, interprète. Il nous propose une chanson qui s'appelle Colibri, le voici. Je suis le rythme de mon cœur. blaseras l'allégresse jusqu'à plus dormir le soir. Dans mon vase trop plein d'espoir, d'assécher ta pluie de pleurs. D'une phrase sans y voir, j'ai noyé tout ton bonheur. Comment est-ce que j'arrive à défaire tout ce qui me guide et qui m'éclaire? Moi, je fais de mon mieux. Oui, mais clairement, je c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le choix musical vous a plu, que vous avez fait des découvertes. Je tiens à remercier les gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. Il y en a 16 à travers le Canada. C'est beaucoup de stations. Mais c'est important de les remercier, là. Donc, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKM Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Faut pas se mélanger. Il y a également CGRO 177 179 Carlsbad-Verse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton, Alberta. Il y a également CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Et bien sûr, je vais rentrer en contact avec ces artistes-là, écouter ce qu'ils ont comme produits et sûrement le faire tourner à Canrock et le faire découvrir à d'autres personnes d'ailleurs à travers le Canada, que ce soit quelqu'un qui aime Loïc Morin de Vancouver, mais qui vient de l'Acadie, que ce soit une femme de la région d'Ottawa qui aime un tel artiste ou une telle artiste de la Saskatchewan. C'est pour ça que je fais l'émission, c'est vraiment très important. Et bien sûr, ça me fait plaisir à chaque semaine de découvrir et de partager la richesse de la musique franco-canadienne. Mais par contre, vous pouvez quand même aller voir par vous-même. Ma page Facebook a beaucoup de partages, de nouvelles, de vidéos comme ça. Et spécialement en ces temps-ci de pandémie COVID-19, tout le monde est chez soi. Eh bien, il y a plusieurs artistes qui donne comme ça un petit récital sur Facebook ou sur YouTube et ça les aide à les faire découvrir et vous risquez vraiment de trouver de bien belles affaires. C'est vraiment très, très, très intéressant. On va partir le thème, si vous voulez bien, pour dire le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est pas compliqué, là. Allez encourager vos artistes locaux. Vous pouvez pas aller dans les bars maintenant, mais allez sur Facebook, sur YouTube, allez découvrir ces artistes locaux-là. Encouragez-les et c'est important car vous risquez d'être séduit, ça c'est garanti, et ça va aider ces artistes-là à se faire connaître. Sur ça, je vous souhaite bien sûr une belle semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!